تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Allô, allô, salam alaikum, ya el salam, Samir Hashisha maakoum, pour notre direct, notre émission live qu'on fait tous les samedis soirs sur Radio Hashisha. En fait, Radio Hashisha se transforme en Qanat al-Hurriya le samedi soir à 20h heure algérienne, 21h en France. Donc, marhaba bikoum khawti, je vais essayer d'animer cette émission pendant une heure ou les deux heures, ça dépend s'il y a des appels. En direct, donc vous pouvez passer votre message sur Skype. Si vous voulez participer à cette émission, il suffit d'appeler Hashisha DZ sur Skype pour ceux qui veulent participer. Comme tous les samedis soirs, Ikhwani Khawati, on a choisi quelques sujets, si vous voulez bien, des sujets haka nestaqder de participer par rapport à ça. Andna trois axes haka, on propose trois axes pour discuter. Bah chacun il discute comme il veut, fonction de comment il voit les choses. Pour ce soir, bien sûr, on est collé à l'actualité, comme d'habitude. On essaie de discuter de ce qui se passe actuellement, même si des fois, on va essayer de trouver des thématiques en dehors de l'actualité. C'est très important aussi, je pense. Pour ce soir, en fait, on a un sujet sur la Syrie. Parce qu'en fait, c'est l'actualité. On a vu que en Syrie, il y a eu, ça fait déjà 2 ans et demi qu'il y a vraiment dérapage militaire de la révolution syrienne, la révolution entre guillemets. Depuis quelques jours, il y a utilisation des armes chimiques. Et en même temps, menace occidentale de faire une intervention militaire en Syrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Khawti. Voilà le sujet, la Syrie, les événements. Quel est votre avis? Deuxième sujet qui est lié aussi à l'actualité des révolutions, ou là comment on dit les révolutions, c'est le sujet de l'Égypte, du coup d'État en Égypte. Le coup d'État qui s'est produit, si je me rappelle bien, le 3 juillet, ou qu'il a en Égypte, le 3 ou le 4 juillet. Depuis, ça dérape, ça n'arrête pas de déraper là aussi, malheureusement. Les gens, ils continuent jusqu'à aujourd'hui à résister pacifiquement, en fait. Des gens résistent pacifiquement au coup d'État. Il y a des arrestations. Il y a tout, à mon avis, toute une situation qui se met en place. Je ne sais pas comment vous la voyez, vous, les auditeurs qui écoutez ça, comment vous voyez l'évolution des choses, quel est votre point de vue. Vous pouvez intervenir si vous voulez donner votre avis. Ça se passe en direct de toute façon. C'est en direct sur Skype, Hashisha DZ sur Skype, si vous voulez participer. Troisième sujet lié à l'Algérie. L'Algérie, c'est les élections présidentielles qui arrivent en 2014, et on voit bien que la scène politique algérienne officielle, la scène officielle, notamment ce qu'on a vu par rapport au FLN, comment au FLN le secrétaire général a été mis en place. Je pense que tout le monde a suivi ça. Moi-même, j'ai donné mon avis sur une de mes vidéos en disant Bli, c'est un non-événement, ce truc qui se passe au FLN, si ce n'est une révélation de la situation dramatique dans laquelle se situe la scène politique algérienne. C'est tout. Mais sinon, ça n'a pas d'enjeu pour les citoyens. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thomas Khawti, ou là, si vous avez un autre sujet à proposer, ou là, vous n'hésitez pas à le dire. De toute façon, ça se passe sur Skype, et les passages en direct se font directement comme son nom l'indique. Sinon, Khawti, vous pouvez intervenir blarbia, blfrançais ou la blqbelia, c'est comme vous voulez. Et puis tout se passe sur le site radiohchicha.com. N'hésitez pas à aller sur le site radiohchicha.com. Vous allez trouver la, par exemple, si vous voulez réécouter les émissions, elles sont à chaque fois enregistrées. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions, ou là vous pouvez nous contacter par exemple par la page contact, etc. N'hésitez pas donc à aller sur le site radiohchicha si vous avez des questions à poser, ou là autre chose. Ou même une dédicace à passer. Vous allez voir, il y a un outil pour passer des dédicaces. C'est tout ce que je voulais dire. En attendant vos appels, Khaouti, j'ai ouvert Skype. Chicha DZ, il est ouvert, connecté, si vous voulez participer. En attendant, je vais essayer de vous passer de la musique. Toujours de la bonne musique sur Radio Chicha. Et je reviens après ça. Sharakoum. Wesh les houal. Bien on s'excuse alaykoum. قولي دوك واش راك واش راهم الدار عجوز صحيحه ولا بزاف سبيطار والشيخ مازال معدومني شيخ ان شاء الله واداني صحيح لا هو مخسر ولا مليح طفل كاش خرج لك قاري ولا قبيح واش راهي الحومه تشراو الدوار واش راهي الحوش لا سيتي ريزيدون سوبر ماشالي لا طونط والغار واش راهم الجيران واش راهم ولاد حومه واش راهم السكان ديك الطوطال باللوات والفيران واش راهي ليكتروميناجي كاش مزطط كاش جديد كاش فريكور من براتي والفريكو مازال راجي غير يحل فمو يخرج منو العيب سيري قولي واش راه الجيب ديرها ولا مازال قريب واش راه من الماعن خساره فارغين يشكو ولا معمرين طواجن عمرين دواجن ولا بلاش واللي جا الاخر كلا ولا ما كلاش سقسيك على اللي جان واش راه العيد واش راه رمضان كاش مع طاولو الكارطه شعبان والعاشوره صاحبي قالوا لي ماهوش يبان واش راه الكترسيان واش راه المكسيان واش راه الفيس قهواجي الخباز واللبان هو الفنجال هاو خفاف ولا قدرون بنان والريم تحت السمان طري ولا عيان وجدد كيما اللي جون جاب رواحهم قول لي ولا وسمان خلينا من الدخان احكي لي عتشينا واش راه البنان والبطاطا ولات بالتاتا بالف كيما الزمان احكي لي على حمود بوعلا مازال في الاعلام توجه الماريكان وسي فيليبس ما قضاش على انيام ورابح ما قضاش على انينام واش راهم الكوشمار واش راه المنام واش راهي العقليه البيس والتخمام واش راهم الجران مازال يزيدوا في الكلام واش راهم الثياراس والدي جي اسان واش راه الراند والارشيد اللي زان تيكريست والافلام واش حوال حريه التعبير الاستيراد والتصدير وحقوق الانسان خلينا من البوليتيك واش حوال لا تيليفزيون مازال كادر ولا نوعو في ليزيميسيون عندي بزاف ما شفتهاش الحالي الطبيب ما نحملهاش والفوتبال مازال كيف كيف بالسيكس والبريمير ديفيزيون واش راه زخدود مبدع وتزيري عمور ياسر غازي ولي كوتش كيما بن سكري واش راه الموسيقى عمري الراب جاب بلاصتو ولا مازال مغلوقين كيما بكري D'abord parce que la Syrie c'est un grand pays, une grande civilisation, une grande histoire, un pays stratégique, riche. Et c'est un pays à l'image des Algériens aussi. Je veux dire, c'est un peuple à l'image des Algériens. Je veux dire, les Syriens, ils partagent beaucoup, beaucoup de points de ressemblance et de points communs avec les Algériens. Je veux dire, je peux même aller jusqu'à dire que ce sont les Algériens de l'Orient, les Syriens. C'est un pays très fier, c'est un peuple très fier, très attaché à la démocratie, à l'image du peuple, à l'image du peuple libanais et palestinien. Et c'est pour cela, peut-être, que les monarchies autour de la Syrie, du Liban, et de la Palestine occupée empêche ces trois peuples d'aller de l'avant parce qu'ils constituent un énorme danger pour leur trône, si j'ose dire. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, cette guerre-là, cette guerre civile, entre guillemets toujours, cette guerre civile qui est provoquée en Syrie, elle a été souhaitée d'abord par les monarchies, les monarchies du Golfe, parce qu'ils savent bien l'histoire de ces trois peuples. Ils ont une histoire qui mène leur destin directement à la démocratie. Ces trois peuples sont faits pour être démocrates. Donc, si je peux dire, ils sont en antagonie avec les monarchies saoudiennes et du Koweït, etc. Juste, si je peux me permettre, juste, Smehli, donc, juste deux petites questions. D'abord, est-ce que tu penses, Billy, c'est-à-dire, c'est Koweït concernant les Syriens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir et qu'il n'y a pas de solution. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Et puis juste une deuxième question, c'est à qui incombe la responsabilité? Ça veut dire, quand tu dis que ce qui arrive en Syrie est souhaité par les monarchies dont tu as parlé, je pense que tu as raison à mon avis. Mais est-ce que tu penses pas, Billy, la répression militaire faite par Bachar el-Assad et son armée ou le régime syrien contre des manifestations qui étaient pacifiques pendant un long moment au début, est-ce que tu penses pas que ça soit ça en fait le nœud du problème? Il est là en fait. C'est parce qu'il y a répression militaire que finalement la révolution entre guillemets syrienne s'est militarisée. Ouh là là là. Je partage ce point de vue. D'abord, comme j'ai dit que les monarchies syriennes ont voulu ce qui se passe aujourd'hui, je précise, hein, j'insiste là-dessus, que cela a été voulu il y a très très longtemps. Je veux dire, ça remonte à beaucoup de décennies. Hein. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le conflit israélo-palestinien n'est pas résolu, c'est pour justement cette raison-là. C'est parce que les monarchies ne veulent pas de ça. Ils connaissent bien l'anthropologie, la sociologie de la région. Ils ne veulent pas aller dans un processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Donc, ils veulent toujours garder le conflit. Garder le conflit, ça veut dire garder leur trône, garder leur siège et leurs avantages. Cela est évident. Après, je veux dire... Est-ce que ce n'est pas la responsabilité aussi du régime qui a militarisé... C'est lui qui a militarisé les événements dès le début, non? Absolument. Le régime, il a une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que à la fin des comptes, quand on arrive à faire des comptes, quand tout sera, inchallah, arrêté, on veut que le flux de sang là s'arrête tout de suite. Ouais. On aimerait bien que tout s'arrête, ouais. Que ce soit des rebelles ou bien des Syriens. Parce que finalement, c'est les enfants, les femmes, les vieux, les vieillards qui sont victimes. Les jeunes, la personne qui est forte, elle est capable de porter les armes et se défendre. Mais on veut que tout cela s'arrête tout de suite. Donc, la responsabilité à qui incombe? Dans tous les pays, tous les peuples, ils ont le droit de marcher pacifiquement, etc., etc. Le peuple, l'armée syrienne, d'après ce qu'on a vu dans les médias, je précise, d'après ce qu'on a vu dans les médias, parce qu'on n'était pas sur place. Magalash, qui m'a dit que nous, la vérité... المسافة بين بين بين الحاجة اللي صحيحة والحاجة اللي غلطة هي ربع أصابع اللي تمتد من الأذن إلى العين. ثم إحنا يا لوكا كون شفنا ce qui se passe, on peut affirmer que Bachar al-Assad a réprimé les manifestants. Mais nous, ce qu'on a, c'est les médias, c'est tout. On n'est pas en Syrie pour voir. Mais il y a aussi Internet qui est un peu une zone quand même de liberté d'expression. Exactement. Du coup, on a vu quand même les événements, comment ils se sont déroulés via ce que les gens ont filmé dans les villes. Absolument. Là, je ne suis pas en train de blanchir Bachar al-Assad ni son régime. La responsabilité du régime, elle est en quoi, à mon avis? C'est de ne pas avoir prévu les révoltes, ne pas avoir prévu les réformes, ne pas avoir prévu les réformes politiques surtout, et des réformes justes. Donc ce qui a fait que le régime, il a maintenu toujours sa position, moi je ne lâche pas, et puis voilà. Donc la révolution syrienne a continué jusqu'à ce que les deux côtés utilisaient des armes. On a vu des défections de l'armée. C'est ce qui a permis à la révolution, aux rebelles de s'organiser et de s'armer. Et là, franchement, comme on dit, là, le film, pour nous, les observateurs, Kimangulu Nazala Sitar, on n'en voit plus rien. On ne comprend plus rien. Après, ce qu'on voit, on revient maintenant, le pouvoir, le régime, ainsi que les traîtres, dans la rébellion, si j'ose les appeler ainsi, parce qu'ils ont trahi leur peuple. Ils se sont dit que on doit avoir la peau de Bachar el-Assad, même si on doit faire appel au diable. Donc, ce régime, il a opprimé les rebelles. Ils se sont rendus, ils se sont vendus avec un prix médiocre. Et tout ça pourquoi? Pour voir aujourd'hui un grand peuple comme la Syrie se fait massacrer tous les jours. Tous les jours. C'est une extermination ce qui se passe en Syrie. C'est une extermination. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le conflit s'arrête tout de suite et que les réseaux sociaux se mettent à revendiquer une seule chose. Qu'on soit du côté du régime, qu'on soit du côté des rebelles, on doit revendiquer une seule chose, c'est d'arrêter le sang. D'arrêter le sang tout de suite. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a aujourd'hui, d'après certaines informations, d'après Internet, comme vous le disiez, Chicha, d'après les analyses qu'on fait, d'après l'effort qu'on essaye de faire pour comprendre et de filtrer les informations, on a aujourd'hui quoi? On a une troisième partie qui agit en Syrie. Une troisième partie dépourvue de loyauté envers les intérêts du peuple et du pays de la Syrie. Qui se battent, ils sont là. Ils se battent pour l'argent. C'est des mercenaires. Ils se battent pour l'argent. Financés par des... Comme je le disais tout à l'heure, les monarchies qui attendaient cette belle occasion et qui agissent. Vous pouvez les voir sur Internet. On les a tous vus. Certains parmi eux, ils étaient capturés en otage par les Syriens. Des fois, eux-mêmes, ils le disent. Donc, pour moi, on ne peut plus parler aujourd'hui de révolution syrienne. Pas seulement aujourd'hui, il y a des mois, on ne peut plus en parler de révolution syrienne maintenant. Là, on est en train d'observer un peuple syrien en train de se faire massacrer pour des raisons impérialistes. Voilà, on a donné maintenant... Le régime et la rébellion ont donné l'occasion à l'impérialisme qui est venu en seconde partie, bien sûr. En seconde place, parce qu'il n'était pas au début actif. Mais on lui a donné l'occasion de venir. L'objectif maintenant, c'est devenu impérialiste, expansionniste. C'est devenu une sorte de guerre froide entre l'Occident et les puissances de l'Orient, de l'Asie... à savoir la Russie et la Chine. Voilà ce qui est devenu la Syrie, un terrain de bataille. Et on a même le Qatar et le... Pour voir yani, comment les monarchies profitent. On a même, dans le cas égyptien, on voit même le Qatar et l'Arabie Saoudite qui s'affrontent en Égypte. En Égypte, ils s'affrontent. Donc, vous imaginez le cas de la Syrie. On a les monarchies, on a l'Orient avec les puissances, la Russie et la Chine, et on a tout l'Occident. Vous imaginez un peu la violence qui se passe aujourd'hui en Syrie? Toutes les puissances s'affrontent aujourd'hui en Syrie. Donc ce qu'on veut, c'est, Inch'Allah, ya Rabbi, n'da'i wa Rabbi, que le sang cesse de couler en Syrie. Ça, c'est pour mon intervention à propos de la Syrie. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khoya Ramzi. Atexaha, pour la contribution. Merci. N'hésite pas à rappeler ou à participer quand tu veux, si tu as quelque chose à dire. Marhaba bik. Allah yassalmik. Merci beaucoup, Chicha, et bonne soirée. Merci à toi. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà, Khaouti, sur Radio Chicha, ça se passe comme ça. C'est notre émission live avec les auditeurs. Vous pouvez participer par Skype, si vous voulez, sur les sujets qu'on a choisis. Je remercie Ramzi qui vient de passer, qui nous a donné son avis sur les événements en Syrie. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le sujet Tana ce soir. C'est les événements en Syrie, les événements en Égypte et la situation politique en Algérie, notamment ce qui se passe par rapport aux élections. élections de 2014, est-ce que c'est un enjeu ou pas pour les Algériens? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les trois sujets au choix, c'est-à-dire Nesset, intervenir, qui m'aide. Il est 20h24 sur Radio Chicha. Si vous voulez participer, c'est sur Skype, Chicha DZ, et Brahbabikoum, ça passe directement en live. En attendant, je peux passer de la musique, et puis je reviendrai un peu, étaler un peu le sujet, si vous voulez bien. Sinon, je passe de la musique comme nous on aime sur Radio Chicha, la musique Touareg, c'est ce qu'on aime le plus, Thagara, ces derniers temps. Je vous laisse avec Tina Riwen, et désolé, tout à l'heure, la musique, elle avait chevauché la discussion, mais je ferai attention la prochaine fois. C'est en même temps la technique, l'animation, le Skype, ça fait un peu beaucoup. J'oublie quelques boutons des fois, sinon voilà, tout se passe bien sur Radio Chicha. Nous sommes en direct, vous pouvez nous appeler sur Chicha DZ Skype pour participer, Chicha DZ. Et en attendant vos appels, je vous laisse avec Tina Riwen. شغل سفرك انك تواجه رزم ظلمه موافني في الجلاله تنبتال يا ماما تكلمت قلت اني جوت نسستان جوت من الهنجاد مدوار في الكم تجوزي تجيانا ما قال تكتب ترغمي تفلوين مقا يا رب ألو السلام عليكم بيان سي تري مالورون سمعوا حكاياتهم جي اون فامي سوريان تاعنا كي وصلوا افون كيلكو موا لايروبول دالجي لا بروميير شوز المرا الكبيره جات فوق لا تيغ على الأرض قالت heureusement on est sorti de là hier. Pour l'intervention militaire de l'Occident, il n'y a pas un sage qui dit je suis pour, parce que donc l'Occident est un grand hypocrite. الدول الغربية كيما متعودين تخدم مصالحها مرة المعارضة لغدار مرة بشار الأسد. بشار الأسد النظام تاعو النظام تاع باباه مقبل دار مجازر في حق الناس شعار في حماس بدهم قاعدتك في الثمانينات وقاعدتك هو اكتوالمون ودير إبادة جماعية للشعب تاعو المعارضين هو الحق يستاهل يميغيت بيان لا بونتان باي لاجندا تاع اوباما ما تخدمش المصالح تاع لي روبال باسكو مستحيل الغرب يقبل باللي الجيش الحر ياخذ مقاليد الحكم في سوريا تولي سوريا صح دوله عدوه لاسرائيل هذا مش ممكن تماما لازم توجور يكون ان ريجيم كي بروتيج توجور لي فرونتيير اسرائيليه سون دي لا كومبليس دي دي بي كوم العربي السعودي فريمون حرام على الناس اكتوالمون يروحوا للحج ولا يروحوا للعمره je n'ai pas fait des études anti-ouge ou là je sais pas chier ou là hamsi mais wallahi le chouch a donné fait chaque fois tu vois ça c'est pas un c'est un truc bizarre et agiba سوى اتحاد العلماء المسلمين والرابطة وتوسع الكونسير في الدومين ديزافير دي ميجرمون وتوسع يعني فتوى اكتيومون في الظروف هذه يسقطوا فرض الحج على العالم الإسلامي قاعد يعني. باسكو الدراهم المدخول يدخل تما لي زوتير وتوسع والتوريزم لي زافير من تما كامل يضربوا به هذا des régions, des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte. L'Égypte aussi, oui. Oui, il y a la Zizanie, la Tunisie, il y a l'Inqlabine fait l'Égypte, fait Misr, où il y a la Missouria, où il y a la Fakat, l'Askaria, il y a l'Askaria, qui m'a joué au Dawla, Misr. السياحة فيها حبسة الناس ندير عصيان مدني الاقتصاد رايح طايح شكون اللي يتحمل الفاتورات الأعباء هاي تحملها دولة كما السعودية والإمارات هذا يخدمهم بزاف Et juste une petite question par rapport à la Syrie. Est-ce que ça dire comment tu vois l'avenir? Est-ce que ça dire andha de l'espoir la Syrie a dit pour s'en sortir ou là ça va être le chaos, la guerre? Est-ce que tu as de l'espoir en tia ou là d'après ton avis? Hein? Quand on parle le problème de l'Égypte par la Syrie, Syrie a fait un problème كبير طائفي. صراع تاع الشيعة والسنة مشكل كبير مستحيل الثارات والدم يصرى ما بين ما نساوش باللي نظام بشار الأسد هو من جاي من العائلة علوية من فصيل من الشيعة نظام طائفي توت فاسون اكزاكتومون وي النظام اللي يحكم في سوريا هو جاي من الفرقة الشيعية من العلويين العلويين هو فريق مذهب من المذاهب تاع الشيعة على ديك نشوفوا التقارب الشيعي ما بين نظام الأسد ونظام طهران ونظام حزب الله في لبنان العقيدة الدينية هي اللي تجمع ثلاثة هذو كي تقرأ تاريخ سوريا ولا تي كونتاكت دي جون دي سيريان ثم تلقي الشيعة يحكموا داخل عندهم مناصب عليا تلقى قيادات الجيش الطيران لي زوبيتو تلقى الحوايج الحساسة في الدولة العصب تاع الدولة الاقتصاد تاع الدولة يحكموا عائلات علوية عائلات شيعية السنة راهم إلواني إكارتي عند السيكتور سونسيبل فلاتا وهذا اللي هذا احقاد كبيره في القلوب تاع الناس تما واي اوكازيون تجي الناس تحكم السلاح قادره تسلك فيها فار في الاخرى واحد سني عنده الحق في البلاد عنده الحق باش يدفع المناصب عنده الحق باش يترقى ضابط عنده الحق باش يكون في سلاح الطيران في سلاح البري اتسترا ما يقدرش يوصل لانه من طائفه سنيه الشيعة فقط هما اللي عندهم الحق وهذا ماشي كلامي هذا اي سوري تلقاه انسان متعلم استخوي كولتيفي حيقول الحاجه هذه سوريا كل الوضع الحالي ما تقدر تقرا حتى امر الحسابات ما يقدر حتى واحد يتكهن الله سبحانه وحده اللي يعرف الغيب واش حيصرى En tout cas, c'est très dur de dire qu'il n'y a pas d'espoir. En même temps, Meshed Maram, Bezaf, elle est très sombre. C'est vrai que la situation est très compliquée. Très, très, très, très compliquée. Avec des effets secondaires. Exact. On a vu ça, mais là où quand même ils vont s'en sortir, et il faut arrêter le sang hada qui coule parce qu'il y a trop de morts, trop de souffrances. On espère un dieu Rabbi, un homme يحل المشاكل بطريقة سياسية ou بدون عنف. Oui, exactement. Pour l'Égypte, بالنسبة لمصر, مقبل avant quelques heures, Amr Moussa. الأمين السابق تاع الجامعة العربية في لقاء مع البي بي سي مع وفد الجورناليست في البي بي سي هذا بتوع الإخوان المسلمين يقولها بلي راهم عندهم اكتوالمون الإخوان المسلمين ولا الناس في مصر التيار الإسلامي في مصر راهو في تراجع طيار الطيار الإخوان ما هو جديد في في مصر من 1928 أحسن البنا أسسها كجمعية تاع إصلاح ماش كحزب سياسي. الناس اللي ضاقت الأذى في السجون لوبريسيون الحقرة في الأنظمة كامل من العهد نتاع سورتو في 53 وروح الضباط الأحرار نظام ناصر نظام السادات نظام حسني مبارك سجون والمعتقلات مليانة بالقيادة تاع الإخوان. تنظيم كما هذا عنده جذور في المجتمع وتنظيم عالمي في قداش دولة عندهم ناس كوادر مستحيل هذا التنظيم في الأزمة هذه تاع الاعتقالات والقتل حينحيوه. Et on a vu les manifestations Mazel, Mazel Chawar Amara, et puis partout, c'est sur tout le territoire, donc Mazel la résistance. لا إكيدين وديمقراطيين يقول كنا ما نحكي دي في يد الإسلاميين يجابهم الصندوق وهو هذو مصريين أو معايا في صحتي ناس مثقفين من البحرية ناس صحفيين ناس في نوادي تاع انترنت كلم جميع المثقفين والأدباء والفنان التشكيليين في صفحة مشهورة في انترنت يقول كنا ما نحكوش يدينا في يد الإسلاميين حتى لو كان جابهم الصندوق. ومؤسم جدا كي يكون طبقة مثقفة لائكية ولا ديمقراطية تكون عارفة انه ديمقراطية ما نحطش يدي في يد اسلامي جابوا الصندوق. معليش حط يدك في يد اسلامي جابوا الصندوق غدوة بعد 4 سنين الشعب حيزكيك وطول وترجع انت في البلاطة احسن من حكم العسكر اللي ما يستعرفش قاعدك بالناس كامل حطك يجي نهار ونحطك انت الحبس اكوتي دو سلو كي يتي استانست. بورتان تي عارزة الله والله مشكل مشكل كبير. هذا يذكرنا باللي صار في الجزائر اللي ما ينسى الشعب الجزائري مستحيل ينسى او يشوف مأساته في مرآة المآسي المصرية. اكزاكت اكزاكت tu as trouvé les mots justement à propos de l'Algérie sur le troisième point que j'avais proposé في الجزائر صرا فيه التشويش هكا du côté de la scène politique les FLN ils ont installé quelqu'un d'une manière هكا تبعتي l'affaire ولا سعيداني والله سعيداني exactement il a fait un passage en force. الناس متخصصين في السياسة يقولك بلي ما كان لا إصلاح في الجزائر وما كان حتى القضايا تاع الفساد هذه مستحيل العدالة تبث فيها كما كان قال ضيفك من قبل كان قوانين في لا جوستيس لا جوستيس المام بروتيج لا كوربسيون ما عندنا ما نقول و سي تري مالور تو فو افي دي سا لا ديرنيير فوا بور لا سين بوليتيك سي اون الجيري مادام كاين صراع في الفوق صراع ما بين زوج أجنحة جناح تاع بوتفليقة اللي يحبوا يبغيو يضعفوه كيفاه كي تجي تشوف الصحة تاع الصحافة المقالات من قبل ما كانش فضائح هذه تاع الفساد تخرج في الصحافة وتقراوها المواطنين منين جا تجيب صحيفة شجاعة والمصدر الموثوق فضيحة كبيرة تمس وزارة إذا ما كانش هناك تصفيات حسابات مفهوم والشعب راح يتفرج إحنا ما عندنا حتى وزن في الجزائر إنه نصوم دونك دي شيفر هذا ماك. إيه وي إيه وي tu l'as très bien dit. De toute façon, merci beaucoup pour la contribution, c'est très clair. Et si tu as aussi quelque chose à rajouter, n'hésite pas Yanni, si tu veux rajouter quelque chose. هذه راديو حشيشة جبسوكين بل سواغي سي جنتي وي تحياتي للجميع الجزائرية الشرفاء. Merci beaucoup. A tekem saha. Le message est très très clair. Il est bien passé. Et puis n'hésite pas ou la habiter si tu veux rappeler plus tard ou là une autre fois. Tu es la bienvenue. Très bien. Ouais. C'est Orchidérim. Ah, Orchidérim sur Facebook. D'accord. Ouais, exactement. Ouais. Ah, très bien, très bien. Ben, merci beaucoup pour tes contributions et puis n'hésite pas. Ce que tu apportes là, moi je trouve ça très très clair et c'est bien de le partager. C'est gentil. Je vous salue vivement, bravo. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt, Inch'Allah. Nous prenons direct un prochain appel. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, mesdames et messieurs, Khoya Samir. Marhaba bik, Khoya. Je voulais juste dire, il y a d'autres appels. Je suis désolé auprès des personnes qui appellent. S'ils peuvent nous appeler juste un petit peu plus tard, comme ça on va essayer de prendre tout le monde. Et spécialement à toi, merci beaucoup d'avoir appelé. On t'écoute. Hein. الله يسلمك لا بالي ما كاش مشكل خذ وقتك على بالي بلي سيكو ما تريبوندي سيكو يا ترو دابيل مي كان فوالا جيساي دو باسي او فور اي ميزور دونك لي جون سيل بوف ابلي ما كنحتمش ان شاء الله انت راك نو نالطون بزاف اون نالطون نالطون ميرسي بوكو بور لاك اون بليس جو ريكوني ميتنون لا فوا تاعك monsieur Moussa, c'est quoi, rappelle-moi le nom de famille là. Bourfis. Ah, Bourfis, exactement. À propos de la situation des disparus. Non, c'est, je ne l'ai pas introduit le sujet des disparus, j'aurais voulu. Mais sinon, Ntayam Rahbabik, tu peux intervenir sur les sujets qu'on avait introduits. En fait, j'avais jeté à trois sujets, mais on peut les développer. C'est la Syrie, la situation en Syrie, l'Égypte, l'évolution des événements, et puis l'Algérie, les élections de 2014, la situation sur la scène politique. Voilà les trois sujets, mais c'est à toi de choisir comme tu veux. يعني بيت ندخل tout de suite ولا tout de suite c'est bon ben والله انا ما في الغالب يعني ما نحبش نبعد بزاف على الموضوع تاع الفقدان الديسباريسيون فورسي اللي راني نشتغل عليه وان كان يعني الامور مرتبطه يعني ما تقدرش تفصل يعني الساحه الحاله السياسيه واش راه صاري فيها سواء في الجزائر ولا في العالم العربي بصفه عامه بون فيما يخص سوريا رانا نشوفوا بلي كاين احتمال انها تتعرض الى ضربه جويه بون انا شخصيا راني ضد التدخل الغربي في سوريا ولا في اي بلد عربي ولا لانه السبب الوحيد هو انه انا على بالي لانه التدخل تاع الغرب ماهوش لمبادئ وانما لمصالح بالتالي انا سور هذا بارتون سو برينسيپ il faut qu'on dit non à l'ingérence étrangère occidentale dans les pays arabes donc qui nous laisse nous débrouiller nous-mêmes c'est vrai que peut-être le bilan pourrait être plus lourd en ce qui concerne les victimes etc mais je préfère personnellement que l'Occident se met à l'écart de nos problèmes parce que c'est toujours pour marchandiser pour garantir leur intérêt dans la Syrie du lendemain tu vois à dire la vision de Saïf Mehros Souria c'est ouais c'est très clair donc tu es contre l'intervention ah non je suis contre Et quand même, franchement, même Anaïs, c'est ma position en fait, mais c'est vrai que ça pose quand même, c'est pas pour dire il faut une intervention, c'est pour dire quand même ce que vivent les Syriens est vraiment dramatique. On arrivait jusqu'à l'utilisation d'armes chimiques d'une manière quand même générale, tu vois, ça a tué quand même vraiment des centaines de personnes. Ils subissent aussi des bombardements non-stop sur des quartiers civils et tout, c'est vraiment qui fait loi de dire, tu vois, ça dit la crise syrienne, elle est vraiment difficile. Ah, bien sûr, oui, il y a très lille ce qui se passe, majeur l'intervention de l'Occident, mais c'est pas une solution. Il faut, je crois, la solution, c'est une troisième solution, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un processus politique dans la crise syrienne. Il y a un processus politique. Il est accompagné d'un processus militaire, mais il y a aussi un processus politique. Et c'est probablement le processus politique qu'il faut privilégier et auquel il faut trouver une sortie. Probablement aussi il faut que les responsables de tous ces morts et tout, ils doivent assumer, c'est-à-dire on est face à une situation où une fille a mort et les gens ils doivent assumer pour arrêter l'effusion de sang. On leur souhaite ça aux Syriens. Non, je ne crois pas, parce que le conflit il est arrivé à un point de non-retour, où les deux parties se sont impliquées massivement dans la guerre, en fait. Hein? Oui, dans la guerre. Donc, ce qui fait que Ramoslov, le point de non-retour, que ce soit le régime ou là, que ce soit la résistance. Tu vois? Parce que voilà, Ratfiha, donc, tu as un, je sais pas. Bachar l'Asad, c'est le truc d'une famille, j'ai trouvé une tête de cas, c'est bon, Habso, solution politique. Mais c'est pas facile, hein. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à concrétiser sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Surtout quand on connaît la mauvaise foi et la mauvaise, les mauvaises solutions occidentales, ou là, de toutes les forces qui interviennent, en fait, même la Russie. Et l'Iran derrière, de toute façon. Voilà. Ah, bien sûr, oui, c'est clair. Et même là-bas, Sadir Ntea, tu, qui est plus sur les questions de disparition forcée, je pense qu'en Syrie, depuis maintenant 2 ans et demi, je pense qu'il y a énormément de morts et de disparus, sans aucune nouvelle, sans des gens qui sont passés par des centres de torture d'une manière incroyable. Ah, c'est un massacre qu'il n'y a pas. Là, je crois qu'il faut penser à... Il y a préparé des choses, c'est-à-dire pour plus tard, c'est valable aussi pour l'Algérie, hein. C'est pour tout ce qui est identification des charniers, etc. Donc, personnellement, je m'intéresse beaucoup à cette question parce que je me spécialise actuellement en anthropologie médico-légale, tout ce qui est donc exhumation, identification des ossements, analyse ADN, etc. C'est très important qu'on ait des compétences au niveau du monde arabe spécialisé dans ce type de travail. Et excuse-moi, parce que justement, je rappelle juste, Blé, aujourd'hui, c'est quand même la journée 31 août, c'est la journée, corrige-moi, la journée mondiale des... C'est hier, la journée internationale contre les disparitions forcées. Ah ouais, très bien, merci. C'est une journée qui fut promulguée depuis 2011, journée comme étant journée internationale contre les disparitions forcées. D'accord, très bien, merci. Donc le 30 août, l'Algérie, elle est concernée par ça. Untea, c'est dans quel cadre? C'est pas pour être indiscret, on est sur une radio quand même. Mais c'est-à-dire anthropologie en médico-légal, qui me goûte, ça se fait, c'est-à-dire c'est une université qui donne ce type d'enseignement. Comment ça se fait, cette spécialisation, en fait? Alors, je rappelle juste que je suis moi-même donc fils et frère de disparus forcés depuis 96. Mon père fut arrêté par l'AMP, donc l'Armée nationale populaire, le 20 août 1996. Mon frère aîné également 4 mois plus tard, donc le 22 décembre 1996, par la gendarmerie nationale. Donc ils sont disparus jusqu'à présent. Alors, moi, actuellement, je suis président d'une association, de la seule association pour le moment des enfants de disparus forcés en Algérie, parce que on a nos aînés qui sont les mères, les pères, les épouses de disparus qui ont fait un travail formidable. Maintenant, les enfants se sont impliqués là pour leur soutenir et, si nécessaire, à long terme, prendre le relais de leurs revendications. Ah ouais, très bien. Voilà. L'association, c'est l'association Michel, hein, qui veut dire flambeau, l'association flambeau des enfants de disparus forcés. C'est une association qui a été fondée en 2009, le 22 mai 2009, par la volonté d'enfants, de frères de disparus, même de citoyens sympathisants avec cette cause. Parmi la génération des jeunes en général, nous, c'est l'association, c'est une association fait essentiellement de jeunes. C'est pas qu'on exclut l'élément, mais c'est juste pour donner un peu d'énergie jeune au combat. Parce que on a vu que nos aînés se sont donnés à fond, ils se sont fatigués, beaucoup parmi eux sont malades. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de fonder cette association. On a fait un travail donc de documentation des cas de disparition forcée, d'interagir avec les mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme, y compris le groupe de travail sur les disparitions forcées involontaires de l'ONU, JDDFI, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, mais également les ONG internationales, donc Amnesty International, Human Rights Watch, il y a aussi la Fondation Al-Karama qui travaille sur la situation des droits de l'homme dans le monde arabe. Donc voilà, on interagit avec... Et en Algérie, elle est reconnue, cette association, elle a les possibilités d'agir et tout, comment ça se passe ? En Algérie. Bon, tu sais, il faut savoir que la façon avec laquelle on a agi, c'est-à-dire les autorités algériennes ont agi avec les associations de victimes de disparitions forcées est toujours la même, que ce soit pour les associations de nos aînés, les associations des familles de disparus, c'est-à-dire de la première génération, de la première génération de militants de cette cause. C'était pareil pour nous parce que nous vis-à-vis de la constitution algérienne et de la loi algérienne, les associations, la loi de 1991, c'est-à-dire c'est la loi qui, parce que là il y a l'année passée il y a eu une autre loi, donc une autre association a été fondée en 2009, donc elle est régie par la loi de 1991, pas celle de l'année passée de 2012. Donc, selon la loi des associations algériennes, notre association, elle est légalement agréée parce que la loi des associations de 91, elle stipule que après deux mois du dépôt de dossier d'association, de constitution de l'association, si l'association ne reçoit pas un refus et que son dossier soit transféré vers la chambre administrative qui devrait trancher conformément à la loi algérienne, l'association sera considérée comme légalement agréée. Donc, vis-à-vis de la loi algérienne, nous sommes légalement agréés. C'est vrai, on ne nous a pas donné l'agrément. Parce que l'attitude des autorités algériennes, c'est toujours de silence. Le silence gardé, vos décisions administratives, en fait, ils doivent s'en rendre compte. Quand on ne répond pas à une association qui a fait une demande, selon la loi, l'association est agréée. Donc, leur silence vaut... Si, par exemple, malheureusement, on n'a pas une justice indépendante en Algérie, si on aurait fait une procédure judiciaire contre l'administration algérienne, conformément à l'article 6, si je me rappelle bien, de la loi des associations de 1991, on aurait eu gain de cause. Parce que on a des preuves d'avoir présenté un dossier. Les preuves, s'ils se forment d'un échange avec le Wali, le premier responsable administratif au niveau local, là où on a fondé l'association, c'est-à-dire au niveau de la wilaya de Jijel. On a des échanges avec la caisse de réception, etc. On a même une correspondance officielle du bureau des associations, donc de la wilaya de Jijel, qui est reconnue donc avoir reçu le dossier d'une façon indirecte, bien sûr. Mais on a aussi les convocations aux membres fondateurs de l'association, c'est-à-dire pas au niveau des commissariats de police et de brigades de gendarmerie. Bon, c'est vrai que cette procédure, démarche, est totalement policière, elle n'a aucun fondement au niveau de la loi algérienne, mais les membres fondateurs ont répondu aux convocations, et les convocations qu'on a gardées. Et sur les convocations, c'était clairement noté le motif enquête sur l'association Michel des enfants de disparus. Donc on a quand même, c'est-à-dire des preuves d'avoir déposé donc un dossier au niveau de voilà. Malheureusement la justice, il n'y a pas une justice indépendante, donc ce qui fait que ça sert à rien de faire une démarche là-bas. Tout à fait. Sinon, est-ce que cela, yani, génifie comme pour faire des démarches ou là pour faire, c'est-à-dire le programme de l'association, comme est-ce que vous pouvez le faire là-bas ou là comme Moudayakat, mesdames? Le Moudayakat, tu sais, on a toujours une autre part des intimidations, des menaces, mais tu sais, c'est-à-dire il y a des difficultés, mais il y a une marge. De possibilité d'agir, de continuer notre action, notre mobilisation. Il y a des membres de l'Hadouin qui traînent le Habs ou là, ils tabouent à Qadaïen, conformément à la charte, par exemple, à la charte de la réconciliation nationale. Mais dans quoi on va classer alors, par exemple, le Berh ou l'Alioum, il y a eu un rassemblement à Alger, اليوم وقيله يا يعني راسمبلمون الجي اي ايزون ايتي اريتي تو اليوم وقيله اي لي زون اريتي داوهم الكوميساريا ايتترا سي سي كوم مضايقات هادو بتات ماشي على لاسوسياسيون تاعكم بالذات مي على الناس اللي طالب بال pour ne pas fermer le dossier هذا تاع لي ديسباري فورسي اون الجيري. Il y a la station de Sana déjà à Hadrat Fialgé, elle a participé à le sit-in d'aujourd'hui au niveau d'Alger. Il y avait des membres de la station qui ont préparé dans le sit-in d'Alger aujourd'hui. C'est-à-dire, cette pratique policière, il est tout à fait clair que ça s'inscrit dans une fin de, comment dirais-je, de suffoquer la cause. Et de ne pas faire rassembler des citoyens sympathisants autour de la cause des disparus forcés, parce que c'est le régime algérien sait très bien que une révolution populaire, il y a une forte possibilité que ça soit le déclencheur, que ça soit la cause des disparitions forcées, des disparus forcés. Donc c'est pour ça on tente d'interdire le système de femmes et des disparus, de leur tabasser, de leur arrêter, de leur emmener dans des commissariats, etc. Et j'ai moi-même eu ce soir-là plusieurs fois, j'ai fui arrêter plusieurs fois au cours des sittings, que ce soit à Alger ou ailleurs. Mais voilà, c'est-à-dire, moi je crois que même l'arrestation elle-même ou l'agression policière elle-même, elle constitue une activité de la station. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Qu'on fait savoir aux gens que voilà, il y a une cause qui n'est pas encore arrangée en Algérie, qui n'est pas, qu'on n'a pas traité de façon convenable, qui est la cause des disparus forcés des années 90. Et peut-être si j'en profite, Roy, puisque c'est la journée justement mondiale et tout, il faut quand même parler de ça. Ouais, parce que les gens, c'est l'occasion aussi, Beshnes, yani tefhem, même Anaya, par exemple, pour comprendre l'afsa hadi ta les disparus forcés et tout, parce que des fois, يقولوا الناس خليونا من المشاكل انساو القضية هذه ثم حبيتوا صادير on veut oublier toute la période هذيك تاع les années 90 ou chez les Srafiha et tout. Thomas, vous voulez rester dans ça. Comment tu réponds à ça, c'est-à-dire? On m'a souvent posé cette question. Est-ce que régler, entre guillemets, régler ce problème de la façon qui a été faite par le régime algérien de façon autonome, sans implication, sans faire participer, sans faire donc impliquer les concernés, les premiers concernés, dans les discussions pour trouver une solution, est-ce que هاد السياسة الهروب الأمام تقدر تحل المشكل؟ واسكو هاد السياسة هذه ما تقدرش تدير لنا مشكل واحد اخر؟ لانه حنا نشوفوا مثلا ابناء المفقودين قصريين يعني لي زونفون دو ديسباري فورسي. انا متاكد يعني كوميتون فيز دو ديسباري انا متاكد باللي لو تكون اون اوكازيون عندهم نيزيتون با دو سامبليكي دون لا فيولونس. Hana d'ailleurs c'est pour ça on essaie de leur encadrer offrir un cadre pacifique, un cadre organisé, un cadre, tu vois, pour qu'ils soient encadrés, qu'ils ne dévient pas vers les violences, parce que quand on a une occasion, là où une force organisée musulmane au Jazeera ou l'un qui sera impliqué, c'est les enfants disparus forcés, parce que ils ressentent une injustice profonde. Donc si est le horrible à même hadi, moi je te le problème. Parce que Rami Koulou, tu m'as habité de dire le chèque. Mais est-ce que tu m'as habité de dire le hill salkadik le mfkoudin, bidon hakika, bidon adala, blâme ikun idhar le jutet sahad du nas le mfkoudin ou raham, blâme ikun kitab tarikh tarikh sahaha, ou mahouch khatar al mustakhbel jazair. Et tu penses très bien, là c'est clair, même je dis, là même moi ça m'aide à bien comprendre. Est-ce que tu penses Billy, il y a moyen par exemple de retrouver les disparus, peut-être tous les disparus ou là la majorité des disparus? Tu penses que techniquement il y a moyen et il faut la volonté politique pour le faire? Justement, c'est une très bonne question, parce que personnellement je me suis intéressé au domaine de l'anthropologie médico-légale, pour dire aux politiciens que c'est une question de décision politique. Techniquement, c'est possible. Je sais parce que, là où je suis un peu technique en ce qui concerne l'anthropologie médico-légale, هنا في فرنسا باريزون اون فرانس باريزون بلا اون سويس ولا اون اسبان ولا في او نيفو دي بي اوروبيان عندهم سكون ابل اون باز دو دوني تاع لي زومبرينت ديجيتال وعندهم اون باز دو دوني تاع لي زومبرينت جينيتيك دونك هذه لا باز دو دوني elle est ça dire par exemple si on trouve par exemple un prélèvement je sais pas dans une scène du crime etc نهزو l'ADN هذاك نديرو identification تاع l'ADN وندخلوها في un logiciel c'est un logiciel qui reconnaîtra si le profil ADN concerné n'existerait pas au niveau de la base de données. On aurait fait la même chose pour les cas de disparition forcée. En fait, on constitue donc on prend des prélèvements au niveau des parents vivants ou décédés des disparus forcés, que ce soit les mères ou les pères. On peut même faire une exhumation je sais pas, d'un père décédé, d'une mère décédée, tu vois, et extraire l'ADN, et donc établir une base de données, et aller voir au niveau des charniers, et techniquement, c'est réalisable. Et extraire l'ADN au niveau des ossements qu'on retrouvera au niveau des charniers, et techniquement, c'est possible de faire la comparaison et de retrouver, c'est-à-dire, on aura donc d'une part un ensemble de profils d'ADN retrouvés au niveau des fosses communes ou là des tombes ex-algériens, et d'une part une base de données au niveau des parents de disparus. Alors, en général, on donne la priorité à la mère du disparu, au père du disparu, ou là ses frères ou là ses sœurs, en fonction des possibilités. Donc, et on fera le lien. Et ça se fait, c'est possible, c'est faisable. Il nous manque juste une décision politique pour le faire. Techniquement, c'est très réalisable et ça a été fait. Ça a été fait en Amérique latine, par exemple. Si on regarde le travail de l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale, où là, je vous mets au niveau des balcons, je vous le travail de ce qu'on appelle international. International Committee for Missing Persons. C'est un travail qui a été fait comme ça. Ils ont pu faire identifier des personnes, des restes d'ossements de personnes disparues grâce à des techniques d'identification anthropologique et ou génétique. Donc sur le plan technique, c'est tout à fait possible. Fil Jazair, en Algérie, انا مانيش حاب ندخل بزاف في لي موم ميدياتيك وكلش عندنا دي دوني يعني اون كوني ميم دي شارني اون كوني ميم لي لاوي لي تومب اكس الجيريان جالي بوزي لا كيسيون avant de te laisser juste continuer sur ça pardon hein. C'est justement quand tu dis on a une base de données j'imagine بلي on considère بلي les parents de disparus c'est la première des bases de données c'est ce que tu expliquais tout à l'heure en fait et c'est-à-dire au niveau des disparus, les charniers et tout. Est-ce qu'il y a déjà des données, Methelen? Est-ce qu'on a des dossiers qui sont déjà constitués, des listings et puis des listes d'endroits et des choses comme ça? Oui, on a tout ça. On l'a déjà fait. Il y a une partie aussi qui reste aussi à accomplir, mais on a déjà tout fait. On a déjà localisé les fosses communes, on a localisé les cimetières ou là où il y a les tombes ex-algériens. On a fait un grand travail, mais on ne veut pas médiatiser ceci parce que ça nuit sur l'intérêt de la cause, parce qu'on ne veut pas offrir un cadeau au régime algérien, comme ça les disparus auront à disparaître une deuxième fois, comme ça a été le cas à Réguizen en 2003, suite au travail de Haj Smaïn. Donc on a appris de cette leçon-là. Pour le moment, les charniers, les fosses communes, les tombes ex-algériennes, c'est à protéger par la discrétion. Ça ne sert à rien de faire des bombes médiatiques, or que ça nuit à la cause des disparitions forcées. Donc l'objectif, ce n'est pas de médiatiser seulement, mais de voir si ça va être utile à la cause des disparus ou pas. D'accord, très bien, très bien. Sinon, je te laisse continuer, qui m'habite, Yanni. انا كنت راح نحكي على لا كاستيون تاع فوالا تاع هي هذه هي لا كاستيون تاع لي تومب ديكساجيري ايتترا حنا نعرفوا ميم لو ميكانيزم كاسكي سي باسي بون سي فري ما عندناش دي دوني نوميناتيف مثلا كل واحد كاسكي سي باسي مي نعرفوا كاسكي سي فوزي تو فوا اون كوني ميم لو شيما ايتيليزي tu vois. Si tu veux, je t'explique un petit peu comment ouais. ça se faisait en ce qui concerne le sort des disparus. Très bien, ça serait bien, ouais, ça serait bien de dire ce qu'on a disparu, comment ça se passe. Mais je ne peux pas dire. Les disparus, c'est quoi le sort de ça? Les disparus, déjà, il faut savoir que c'était un stock pour exécution extrajudiciaire. Parce que. On a connu le Jazeera dans les années 90. Personnellement, je suis au Jazeera. Voilà. Donc, quand même, je suis en Europe pour des études, mais voilà, j'ai toujours été en Algérie, donc je connais ce qui s'est passé. On retrouvait quotidiennement des corps. De citoyens criblés de balles, portant des traces de torture, les mains attachées avec du fil métallique, et jetés dans des places publiques ou sur les routes, etc., pour faire terroriser la population. Et souvent, on n'arrivait pas à reconnaître les corps des victimes. Donc, et il faut savoir une chose, c'est que. Le principe, c'était pour le régime algérien, c'était de se venger à chaque fois qu'il y a un attentat perpétré contre les services de sécurité. Déjà, on ne sait pas s'il s'agissait vraiment de vrais attentats ou de faux vrais attentats. Donc là, il faut se poser des questions aussi. Mais donc, on savait que la règle était de faire une vengeance avec la règle de 10, c'est-à-dire chaque victime de notre camp vaut 10 personnes de l'autre camp. C'est-à-dire si on tue, je sais pas, un militaire ou un policier dans un village, donc le lendemain ou le jour même, on fait sortir 10 personnes qu'on a arrêtées de leur domicile. Donc, après avoir subi des jours, si ce n'est pas des mois de torture, de détention dans des conditions inhumaines, donc les personnes disparues subissent une exécution extrajudiciaire et donc abattues sur des places publiques en leur présentant comme étant des terroristes abattus. Et on a des preuves, on a même des articles de presse sur des cas qui était en prison officiellement, qui a été poursuivi, c'est-à-dire normalement protégé par la loi jusqu'à leur condamnation. Donc, il était considéré comme étant innocent, parce qu'il n'était pas encore condamné. Des poursuivis en justice qui étaient en prison, qu'on a exécuté, qu'on a fait sortir un article de presse, on a dit l'article, je peux même citer un nom, par exemple, le cas de Bouzani Al-Khadr. C'était un élu du fils, la wilaya de Jijel. C'est un cas d'ailleurs qu'on a présenté son dossier au niveau. On a déposé une plainte contre le gouvernement algérien au niveau du comité des droits de l'homme de l'ONU. L'affaire, elle existe sur Internet. Si tu peux regarder sur Google, tu trouves tous les détails, etc. Donc on a même le document, on a les permis de visite qui était délivré à sa famille quand il était en prison. Et soudainement, on trouve un article de presse disant que le terroriste Bouzani Al-Khadr fut abattu dans un endroit qui s'appelle Taskif, à Jijel. Or, le concerné devait comparaître devant le tribunal quelques jours plus tard. Un cas caractérisé d'exécution extrajudiciaire, voilà. C'est ça? C'était ça le sort des disparus forcés. D'accord, c'était un stock pour exécution extrajudiciaire. Maintenant, après l'exécution extrajudiciaire, c'est l'exécution extrajudiciaire, il y a plusieurs types. Il y a des cas d'exécution extrajudiciaire, bon, déjà collective ou individuelle. Et après collective ou individuelle, suivant l'endroit, il y a des exécutions extrajudiciaires au bord des routes, des exécutions extrajudiciaires dans des places publiques, des exécutions extrajudiciaires à l'intérieur de casernes, des exécutions extrajudiciaires dans des casernes de milice ou de police, des exécutions extrajudiciaires à l'intérieur de casernes du DRS. Donc il y a plusieurs types en fonction de l'endroit. En ce qui concerne les endroits c'est-à-dire les établissements officiels, y compris les casernes, etc., où il y a eu les exécutions extrajudiciaires, soit on faisait des fosses communes à l'intérieur des casernes et on inhume les corps des victimes à l'intérieur de Kazan, soit on fait sortir, on fait jeter donc les corps des victimes au bord des routes ou dans les places publiques. Et un autre type, c'est de l'exécution au bord des routes, c'est-à-dire qu'on fait sortir la personne disparue forcée vivante et on l'exécute au bord de la route. Voilà. Et pour ceux qui furent exécutés au bord des routes ou dans des places publiques, le lendemain, la protection civile elle est appelée et elle ramasse le corps, elle le ramène dans la morgue de l'hôpital territorialement concerné. Et de la morgue, vu que la famille, parce que la règle aussi c'était d'éloigner la personne disparue forcée de son lieu de domicile. Par exemple, quelqu'un qui habite, je sais pas, à Alger, on l'exécute à Boumerdès. Quelqu'un de Boumerdès, on l'exécute à Alger. Quelqu'un de Bouira, on l'exécute à Béjaïa. C'est quoi le but? Le but, c'est de faire terroriser le peuple sans qu'il y ait trace du crime. C'est-à-dire, parce que si les gens ne reconnaissent pas la personne, on peut leur faire mentir que voilà, il s'agit d'un terroriste abattu. Mais si, par exemple, les gens ils connaissent que le gars, c'est un fonctionnaire, un enseignant qui fut arrêté chez lui, qui était civil, n'était pas ni armé, ni rien du tout, c'était un paisible citoyen. Donc, dans ce cas-là, ça aurait été difficile pour eux pour mentir aux gens, tu vois. Je comprends, je comprends. C'était ça l'objectif. Je comprends. Et est-ce que, par hasard, il y a des témoignages à propos des disparitions de type, comme tu es en train de décrire, par exemple, ceux qui ont été arrêtés, qui sont passés par des centres de détention, soit de la police, soit militaire. Il y a des gens, ils sont sortis. Je pense, il y a des gens, ils sont sortis, ils ont peut-être témoigné aussi, non? S'ils ont la possibilité de témoigner, je sais que c'est très dangereux, pour dire, Billy, Foulen, je l'avais dans la même cellule, choses comme ça. On a eu énormément de cas comme ça. Ce sont des cas qui sont documentés, qui sont appuyés par soit des témoignages de co-détenus, par exemple, des victimes, tu vois. Soit, par exemple, même des témoignages de l'intérieur même de l'institution militaire. Il y a des gens qui nous ont donné des pistes pour des charniers, pour le sort de certaines victimes. Mais voilà, c'est-à-dire, on n'a pas pour le moment à divulguer les informations, les détails, etc. Parce que les informations, on ne les divulguera que le moment où il y aura une justice indépendante et un travail d'investigation sérieux dans un cadre d'état de droit. Et justement, allez, j'ai encore cette question, mais de toute façon, tu peux, c'est-à-dire développer encore plus sur d'autres points si tu le juges nécessaire. Juste, qu'est-ce que donc les familles des disparus, que ce soit les parents ou les enfants ou là, qu'est-ce qu'ils demandent précisément dans leur cause ou la combat? Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Parce qu'il y a la loi sur la réconciliation nationale. Selon les autorités, elle a déjà régler ce problème. Qu'est-ce que vous demandez alors? Il y a trop de détails. On a déjà le terme de la dite. On l'a toujours dit comme ça, la dite, avec la charte de la paix et la réconciliation nationale. Ça nous a toujours énervé. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, quand tu m'as posé la question, déjà, je m'excite déjà. Tu vois, je perds contrôle de mes idées. Mais ce que je peux te dire, c'est que la loi, c'est une loi illégale si on l'étudie sur tous les niveaux. Là, on darsouha min nahiya al-qanouniya. Elle est belle que chouf. Al-Jazair, l'Algérie, elle a signé et ratifié les conventions internationales qui garantissent le droit des familles de disparus à la vérité et à la justice. Kinkolo ratification, c'est-à-dire la loi, la convention, elle a été votée au niveau du Parlement, c'est-à-dire elle a été intégrée au niveau du texte national. C'est-à-dire tu peux aller plaider en se basant sur cette convention internationale au niveau d'un tribunal local ou national, tu vois. Alors, en sachant que l'article 132 de la Constitution algérienne, il prévoit la primauté des conventions internationales sur la législation nationale. غلبت الاتفاقية الدولية على التشريع الوطني. واش معناتها هذا؟ معناتها لو تكون اي نص قانوني وطني يعني داروه داخل الجزائر لو يكون تعارض مع هذيك الاتفاقيات يعتبر لاغي من الناحية القانونية. سوغا انولي. Par la force de la constitution algérienne elle-même. Maintenant, je vais aller t'y faire les détails. دونك من الناحيه القانونيه ومن ناحيه الدستور الجزائري هذا القانون غير دستوري لي انتي كونستيتيونيل باسكو يتعارض مع الماده 132 نقولها مليح 132 هكذا المستمعين يقدروا يفيريفيو النص تاع الماده الماده تقول الاتفاقيه الدوليه التي وقع عليها رئيس الجمهوريه تسمو على القانون هكذا النص تاع الماده دونك هذه من الناحيه القانونيه لو نروحوا من ناحيه المحتوى تاع هذا الشرط والخطوات اللي مرت بها اول حاجه الايماجين المعنى الاول تاع هذه القضيه ما شاوروش حنا لو مثلا جابوا مثلا لي ريبريزونطون تاع لي فامي قالوا فوالا حنا كان عندنا هذا المشكل حابين ندرسوه مع بعض نشوفوا نلقاو حل حنا ما قلناش نو حنا ماذا بينا تكون سوليسيون ما لي فامي دو ديسباري سون بريت ا سيمتر سور اون طابل مي حنا ما شاوروناش حنا جاك هيا قالك هيا سي بون تصالح تصالح وانت مع بالك على واش تصالح تي فوا il faut savoir déjà avant بلي قبل هذا المصالح il faut نحكيو قبلها ثاني باسكو ما تقدرش تسد المصالحه هكذاك ونيزولي il faut savoir قبلها قبل هذا المصالحه هذه كيفاش تخدمت après le travail de la ce qu'on appelle la commission ad hoc c'est la commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme présidée actuellement par Farouk Tenteni elle a fait une mission ad hoc c'est-à-dire une mission transitoire de 2003 jusqu'à 2005. C'est-à-dire, durant son travail, elle a soi-disant fait une investigation sur la question sur les victimes de disparition forcée. Donc on a joué à en ce qui concerne l'investigation de l'IA. Bon, qu'est-ce qu'il y a avant qu'il y a avant la CNCPPDH, la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qui a été fondée en 2000, si je me rappelle bien. Attends, normalement 2001, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'il y a avant 1992 jusqu'à 2001, qu'il y a ce qu'on appelle l'ONDH, l'Observatoire national des droits de l'homme, qui est le rais de كمال رزق برا هذا كمال رزق برا سادير ديجا لي رول كي لا اسومي بلو تار اون بيان نوز اون بيان في كومبروندر سون فري روندا بيان كون لو كون لا كونو لو مومون باسكو تو سي يا اون ا با مال دو كا سي دي كا فيسلي هان اون ا دي دوكيمون ايتترا لا فامي دو ديسباري دو ديسباري فورسي ال كونسيرن ال كونتاكت لا لون دي اش demandant son intervention comme étant, c'est-à-dire l'organisme officiel, le seul organisme officiel censé protéger les droits de l'homme, en lui demandant donc d'intervenir auprès des autorités pour retrouver le sort de leur père, de leur fils, de leur frère, en fonction du cas. La réponse de l'ANDA, c'était une réponse, quand tu lis la réponse, c'était une réponse des services de sécurité. Tu te trouves par exemple un indévoteur. Je suis prêt, si tu veux, dans une autre émission, on peut le présenter les documents, il n'y a pas de souci. Il dit فيها مثلا بلغنا طلبكم بخصوص البحث عن ابنكم كذا وبعد اتصالنا بمصالح الامن تبين ان ابنكم مبحوث عنه لنشاطه في جماعه ارهابيه donc c'était des réponses à les services de sécurité c'était une vitrine pour voilà dire soi-disant que le régime porte attention aux droits de l'homme mais sa mission était exactement le contraire donc il n'a jamais fait donc des efforts pour la protection des droits de l'homme. Bien au contraire, j'en suis certain que pas mal de cas de plaintes de famille étaient partagés avec les services de sécurité, etc., pour leur intimider, etc. Donc, on s'y concerne l'ONDH. Donc, bad l'ONDH, jette la Commission nationale de promotion et protection des droits de l'homme. Had on a 2003 jusqu'à 2005, elle a fait le soi-disant travail d'investigation, mais c'était pas un travail d'investigation. Mais déjà, elle n'était pas mandatée pour faire un travail d'investigation. Elle était mandatée pour faire un travail de recensement. Tu vois? Et même pour le travail de recensement, c'était pas la commission qui s'est déplacée pour voir les familles sur terrain. C'est l'inverse. Ce sont les familles, quand elles ont appris de l'existence de cette commission, qui se sont déplacées au niveau de son siège total, au niveau de la place Qasr al-Chab, Qasr al-Chab, Alger, la place, comment ça s'appelle, place Addis Abeba, voilà. Voilà. Donc, même le travail, elle n'a pas fait le travail d'investigation, et même le travail de recensement ne l'a pas fait. Mm-hmm. Bon, il y a quelques wilayas où une délégation de la commission s'est déplacée donc, dans certains wilayas, Constantine, Alger, Oran, par exemple, Blida, si je me rappelle bien, moi, quelques wilayas, la délégation de la commission, mais dans un cadre quasi secret. Et je crois, mais je suis certain, que le rôle c'était de minimiser, hein, délibérément, de minimiser le chiffre réel des cas de disparition forcée. L'ampleur du problème. Exactement, exactement. Donc, ils n'ont pas fait un travail ni d'investigation, ni même de recensement. Bon, il faut savoir une chose, c'est que les familles, quand elles se sont déplacées au niveau du siège de la Commission nationale consultative pour la promotion protection des droits de l'homme, le titre fait un paragraphe, ça, le contenu zéro. Voilà. Donc les familles, انا personnellement رحت مع الوالده تاعي, ما نقولكش حكاو لي ولا, donc je l'ai vécu داخل في لوكو تاعها. Il te pose une question, est-ce que تقبلوا معاونة الدولة, est-ce que vous accepteriez l'aide de l'état. Bon, les familles كامل جوعوهم سنوات وما يجوعوا فيهم, حبسوا عليهم السالير تاع والديهم ولا تاع خوتهم الحساب لوكا ولا تاع ولادهم الحساب لوكا اللي كانوا عايشين به, يوم بليتو سا ولادهم ما عندهمش دروا يخدموا, باسكو وين يروحوا يخدموا, يقول لهم انتما ولاد الارهاب ما خدموكمش. Et c'est pas dit en l'air, hein. On a ces cas qu'on a, on peut donner des exemples, on peut donner les détails de certains cas. Donc je vous ce qui est étonnant, c'est que la commission, le président de la commission, les familles, elles ont accepté la réconciliation. Or la question posée, c'était, est-ce que vous acceptez l'aide de l'État, en sachant que c'est leur droit, hein. C'est pas une générosité ou là de la part de l'État, c'est leur droit. Ayant subi un dommage psychologique, matériel et moral, la responsabilité de l'État, elle incombe ici. Prendre en charge les victimes. Donc c'est pas une charité de la part du gouvernement, c'est leur propre droit, c'est une partie de leur droit. Et est-ce qu'avec ça, on a essayé de les faire taire? Bien sûr, l'objectif étant ça, bien sûr. L'objectif, c'était tout simplement de faire corrompre les familles. Bon, on a des familles, bon, qui ont le bad, ils sont des traîtres, ils ont pris la même. Non, il ne faut pas dire ça, parce qu'il faut comprendre, parce qu'Anna personnellement, avec l'équipe dans le cadre de la station, on a fait un travail avant le temps de la charte. Quand il y a eu le texte de la charte, on a fait une campagne, c'était le temps à Flour Sadef 2006-2005, qu'on a dans le cadre de l'association des familles de disparus, qu'on n'avait pas encore fondé l'association des enfants disparus. On a fait des campagnes auprès des familles pour leur sensibiliser sur la question de boycotter les démarches proposées par le gouvernement et de refuser donc les indemnisations. Mais on savait que les familles, je vous remercie, sinon mal les qablons, donc les familles qui dans la majorité ont accepté soi-disant dès la dite indemnisation, parce que c'est pas une indemnisation. Donc les familles qui ont accepté, c'est pas qu'elles sont renoncées à leur droit à la vérité de justice, non, mais elles ont accepté selon le principe khodwa talab, voilà, comme ça bach yhallou chouya le mchkel tahom le miseria li rahom aichin fiha w hada haqhom on sachant hada haqhom mach mziyen min 'ind el hukouma daw haqhom juste daw juste min haqhom, et comme ça ils pourront continuer le combat pour la vérité et la justice. Ah, d'accord, si je comprends bien, justement je te reprends, c'est-à-dire que même des fois, parce qu'on a suivi un peu les déclarations officielle en disant que les familles hadou les khdaou, c'est-à-dire des indemnités par rapport à ce qui s'est passé, donc ça y est, le problème est réglé. On a vu que Santini, c'est comme ça qu'il s'exprime, si je dis pas de bêtises, il goul khaou hadou khlas, ils ont pris des indemnités, donc le problème est réglé. Et peut-être que le problème n'est pas réglé tant que la vérité n'a pas été faite sur les familles, déjà, vis-à-vis du droit international, que la famille accepte la c'est pas l'indemnisation, c'est pas une indemnisation déjà. Parce que on peut pas parler d'indemnisation si on parle pas de dommage. De dommage, ouais. On n'a pas bien qualifié le dommage. C'est quoi le dommage? Il y a trop de détails. Bon, comme ça, je ne me pars pas dans les détails. Il faut savoir déjà la procédure. Parce que la procédure, on sait très bien qu'est-ce qu'ils ont proposé aux familles. La famille, pour accéder à l'indemnisation, à la dite indemnisation, elle devait faire trois démarches. La première démarche, c'est de faire une demande auprès de la police judiciaire, c'est-à-dire soit de la gendarmerie ou de la police, pour demander ce qu'on appelle un constat de disparition, délivré par la police judiciaire, qui atteste que la personne est effectivement disparu. La deuxième démarche, c'est de demander un jugement de décès. Imaginez, ils ont obligé les familles, ils ont fait contraindre les familles à demander un jugement de décès de leur disparu, qu'ils n'ont pas eu le corps, pour pouvoir demander l'indemnisation. Comment interpréter ça? Comment expliquer ça si ce n'est pas une volonté préméditée pour faire pour se déculpabiliser de leur des crimes qui leur incombent, en sachant que pour avoir le constat de disparition, ils ont intimidé les familles pour qu'elles déclarent au niveau des procès-verbaux établis par la gendarmerie et la police nationale, pour dire au niveau des PV que le père de la famille disparue, ou là le frère, ou là le fils, à l'exception du cas, il fut arrêté, fut kidnappé par un groupe armé d'identité inconnue ou groupe terroriste. Personnellement, dans le cas de mon père et de mon frère aîné, la gendarmerie, la brigade de gendarmerie de la commune Emir Abdelkader, Berdit Emir Abdelkader, où il est Jijl. هذاك لو شيف دو بريكاد والاخر تاعو قال لك نكتبوا قال لنا نكتبوا في لو بي في تم اختطافهم من طرف جماعه مسلحه مجهوله الهويه. قلت له ما لا تكتبها هكذا اكتبها وسني انت وجيت خارج دونك بون. من مع الاسف العائلات ماشي كلهم عندهم الكوراج ماشي عندهم كلهم عندهم لا كونسيونس وفتنا تيوا دونك العائلات بزاف الاغلبيه وكاين بزاف ثاني اللي خوفوهم قالوا لهم لو ما تكتبوش هكذا ما عطيكمش التعويض. Donc, une volonté, préméditée à tous les niveaux pour falsifier la vérité, pour tenter de falsifier la vérité, parce que la vérité, elle ne se falsifie pas. Également, au niveau des tribunaux, ils ont, les magistrats, ils ont défiguré, ils ont falsifié la vérité, parce que les familles, au niveau de leurs requêtes, par lesquelles, bon, les requêtes dont elles étaient forcées de faire, de présenter au niveau des tribunaux pour avoir le jugement de décès qui leur permettrait d'avoir l'indemnisation. Les magistrats, imaginent une famille, elle lui présente une requête dans laquelle elle dit clairement que voilà, son père ou là, son fils fut arrêté par l'armée nationale populaire ou là, par la gendarmerie. Imagine, au niveau du jugement de décès, il coule. بعد عسق عليه من طرف مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. يعني الماجستيرا il n'osait même pas reprendre soit dix ans. Il fallait prendre honnêtement le témoignage de la famille. La famille, elle a donné sa version. Elle a présenté même des témoins qui ont signé, etc. Donc le magistrat, donc ça donne la complicité à tous les niveaux. Au niveau de la commission qui est censée soi-disant défendre les droits de l'homme, au niveau de la police et de la gendarmerie, et au niveau de la justice. J'ai été contrôlé par le DRS parce que la seule vérification qui se faisait, c'est au niveau du DRS parce qu'on a un homme des noms déjà. À la blanche, je crois qu'on m'a disparu. Tu vois? La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que certains cas, ils disent qu'ils ont été retirés pour sauver les jamaïs arabes. Mais le cas, certains cas, il y a effectivement des cas qui ne sont pas retirés. C'est connu. Ils disent correctement qu'ils ont été retirés pour sauver les jamaïs arabes. Donc, parce que ça ne leur gêne pas. C'est le cas qui ont été retirés pour les services de sécurité, ils ont disparu après. Ils disent ضابط شرطة قضائية كذا كذا يشهد بأن الشخص كذا كذا بقي مفقودا رغم البحث التي تتم القيام به. C'est-à-dire quand il s'agit de leur responsabilité, ils n'écrivent pas la vérité. Tu me rappelles, en fait, j'allais dire, Billy, je pense que partout où il y a ce type de situation, les autorités responsables de ça agissent de la même manière. On l'a vu tout récemment en Égypte. Je veux pas y aller mélanger les sujets, ce n'est pas la même chose. Non, mais des ressemblances, je comprends. Des fois, il y a des ressemblances. Quand les familles Tanès, les Tqatlou, les places Rabi al-Adawiya et place Nahda, ils ont été récupérés les corps. Les autorités ont exigé des familles à ce qu'ils signent les papiers comme quoi Nest ou Faubi suicide. Tu vois pourquoi? Parce que finalement, on comprend Billy, les autorités, elles veulent un papier qui démontre Billy, ils ne sont pas concernés par le massacre lui-même, ce qui prouve en fait automatiquement leur implication, c'est-à-dire le fait de le fait lui-même, c'est un crime. Exactement. C'est une partie du crime. C'est un crime bien. Absolument. Voilà. Donc, en sachant que Jazair, il y a eu même des cas un peu récemment. Hein. Il ne faut pas penser que c'est seulement les années 90. On a un jeune, on connaît un cas par exemple, le cas de comment s'appelle le jeune, un jeune de Bourg-Bouarerij, Smo Fouad Hamouch. Fouad ou Lamounir Hamouch, c'est le même. Tu peux voir sur Google, hein, le cas est juste sur Internet. Le cas, c'est un jeune, Bourg-Bouarerij, DRS, ils l'ont kidnappé en 2005 ou 2006. Je ne sais pas la date. Mais on peut vérifier sur Internet, il y a eu justement plusieurs cas où c'est clairement documenté puis condamné par les instances internationales, hein, des dossiers ont été présentés aux Nations Unies sur les cas documentés, vérifiés. Et l'Algérie a été condamnée dans ces cas-là. Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, hein, parce que l'Algérie a déjà été condamnée dans environ 20 cas. 22 cas. Mm-hmm. Jusqu'à présent, il y a 22 condamnations. Bon, les condamnations, elles se font par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Mm-hmm. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, donc il fait partie du Haut Commissariat des droits de l'homme. C'est parmi les organismes qui sont affiliés au Haut Commissariat des droits de l'homme. Et dont le rôle est de surveiller le respect par les États du pacte international des droits civils et politiques dont elles ont signé et ou ratifié. C'est-à-dire, quand on présente un cas d'un disparu forcé au niveau de la Comité des droits de l'homme, ce qui est le cas par exemple du cas Matern Saker par exemple, là, le cas Matern les cas récents de condamnation récents qui marquent, le cas Bouchref d'Alger, le cas Mouhankien, 22 cas. Le gouvernement algérien il a ratifié le pacte international des droits civils et politiques en septembre, le 29 septembre 1989, et en faisant disparaître telle personne dans telle circonstance, et en faisant obstacle devant toute démarche de vérité et de justice devant la famille, elle a violé son engagement vis-à-vis du pacte. Donc, elle a été condamnée comme à avoir violé ses engagements. C'est ça la condamnation. On parle de la condamnation de l'Algérie. C'est ça. Très bien. Voilà. Ça nous permet de comprendre. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Quand on dit condamnation de l'Algérie, c'est ça. Et ce qui est bien dans le cas du Comité des droits de l'homme, c'est que ça pèse sur les gouvernements. Parce que les gouvernements, ils ont une obligation de répondre par une investigation sur terrain. Parce que dans la condamnation, on lit obligation du gouvernement concerné de faire ouvrir une enquête et de traduire les personnes impliquées devant une juridiction indépendante. Et si le gouvernement ne répond pas et ne prend pas en compte les recommandations du Comité des droits de l'homme, le cas est toujours repris à chaque fois, au moins une fois par année, à chaque fois que le cas du pays est traité devant l'ONU. Donc ça leur fait vraiment une merde à chaque année. Ça pèse énormément sur le gouvernement. Tu vois, Femtex, ce sont ses responsabilités, il doit les assumer, c'est clair. Exactement. Donc, voilà, le travail, il se continue jusqu'à présent. Parce que, bon, malheureusement, le cas parce que on s'y concerne les disparus, au niveau des instances onusiennes, qui a deux démarches. L'une, au niveau du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, c'est ce qu'on appelle le JTDFI. Le comité des droits de l'homme. Le groupe de travail, il a un rôle purement humanitaire. c'est-à-dire نطلبوا منه نعطيرو دي ميم لا بروسيدور او نيفو دو كوب ترافال اللي سامبل فو جوست لو دوني لو نوم برينوم داتي دو نيسونس بروفيسيون لا سيكونس دو ديسباريسيون لي اجون ريسبونسابل دو ديسباريسيون الى لو ليو او لا بيرسون ا لا ايتي فو بور لا دانيير فوا le groupe de travail il intervient dans un but purement humanitaire auprès du gouvernement concerné pour demander d'élucider le sort de la personne concernée, mais il n'a pas une obligation contraignante sur le gouvernement concerné. Mais par contre le comité des droits de l'homme il peut exiger le gouvernement concerné de faire des démarches d'investigation, etc. Mais ce qui est aussi à dire, c'est que malheureusement, la procédure elle est beaucoup plus lourde. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les cas qu'on peut présenter au niveau des comités des droits de l'homme. C'est ce qui explique qu'on a seulement maintenant 22 condamnations et des cas qui sont en instance actuellement. En sachant que le traitement du cas, ça prend environ 5 à 6 ans. Donc, ce qui fait, et en plus, il faut avoir des preuves d'avoir épuisé tout le voie de recours interne. Parce que le pacte international des droits civils et politiques, sur lequel on se base pour déposer ces plaintes, il stipule que la victime concernée, elle doit avoir épuisé les voies de recours interne avant de faire recourir au comité des droits de l'homme. Parce que sinon, comme ça, le gouvernement concerné, il dit, ce cas-là, il aurait dû venir nous voir, on aurait enquêté sur le cas. Mais si on le présente, des accusés de réception, des plaintes qu'on a envoyées au président de la République, au procureur territorialement compétent, au procureur général, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, au président de la Commission des droits de l'homme, etc., etc., etc., avec des accusés de réception, avec les photocopies des plaintes qu'on a, etc. Donc c'est un dossier, la procédure, elle est lourde. Ce qui fait que c'est pas tous les cas qu'on peut déposer au niveau du comité de droits de l'homme. Sinon, juste moi de mon côté, une petite dernière question. Est-ce que ça veut dire que vous avez encore l'intention de continuer à faire ce que vous faites ou là il n'y a plus l'espoir ou là qui fait vous en êtes où? نتوما ولا لي زوتر اسوسياسيون حسب رايك بون انا حسب رايي لو ترافاي دو سو كونتينيي نوتر موبيليزاسيون دو سو دوفري سو كونتينيي جوسكو بو باسكو كو il y a une chose importante, c'est que had le combat on peut pas le faire dissocier du combat global pour établir un état de droit en Algérie. Parce que seul un état de droit, l'établissement d'un état de droit en Algérie, peut garantir la non-répétition de ces massacres dans le futur de l'Algérie. Donc, il faut que nous, comme on dit, pour faire changer les choses aussi au niveau politique. Donc, il n'y a pas une contradiction entre les deux. Un changement, vérité et justice. يدل هذا النظام هذا مستحيل امبوسيبل باسكو اللي راهم حاكمين الان هما بعد اللي هما لي زوتور دو كريم هادو كيفاش لوتور بعد اللي في اون لوا بور لو Et tu penses qu'on peut à l'avenir dépasser ce problème en fait, on peut lui trouver yani, une issue qui soit acceptable peut-être comme ça s'est passé dans d'autres pays notamment en Afrique du Sud et dans d'autres pays d'Amérique latine c'est possible dans le cas algérien à une seule condition à deux conditions qu'il y ait un changement en Algérie on peut pas il faut oublier de qu'il y ait une solution fidèle à ce n'est pas le n'est pas مستحيل يدير حل لانه المجرم الاكبر مستحيل يكون هو المصلح الاكبر impossible هذه il faut oublier واحده deux il faut qu'il y ait un dialogue sincère avec les familles. Parce que les familles, même les familles, elles ne sont pas contre la réconciliation. Mais elles sont contre la réconciliation telle qu'elle a été présentée par le régime. Tu vois, si là où ils dorsent avec les familles, ils ont fait le cadre, ils ont fait le cadre, effectivement, ils ont fait les services de sécurité, on fait des identifications des charniers, on fait des exhumations, on fait des prises sanguines au niveau des parents vivants, des personnes disparues, on fait une comparaison, on arrive à faire des identifications, on fait à apaiser donc les esprits des familles, comme ça je crois que ça marche. En sachant aussi qu'il faut traduire devant la justice les responsables, ça c'est très important parce qu'on ne peut pas دير كل المصالحة وما تكونش فيها اعتراف وكلش. الآن أنه العدالة اللي كوندان هادو اللي غسبونسابل ومن بعد كي يما بتتخ من amnistie, l'essentiel que dans l'histoire, il sera écrit que telle personne a été condamnée d'un crime contre l'humanité. Mm-hmm. Bon, maintenant qu'il soit amnistié, je ne sais pas si je suis allé en tirant, non. Justement, j'allais juste le dire, justement. La justice et la vengeance, en fait. Ou la vengeance, eh, voilà. Donc, je ne sais pas si je suis allé en tirant, je ne sais pas si je suis allé en tirant, je ne sais pas si je suis allé en tirant. Je dois dire qu'on a le coup de la nuclof dans une place. Non, qu'il soit traduit dans la justice. Le mis-safid de l'adal li harmou min hannas. Il t'hakem, ou il sera l'idana, ou l'an, l'an, sera maintenant amnistie générale ou kollej. Bon, ana n'a-t-il mon avis personnel. Hakda, mais le mouch, il y a les familles qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, d'une amnistie après la condamnation des très bien, très bien, très bien, c'est très clair et moi je trouve ça assez positif. C'est, je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi construire, ne jamais laisser aucun droit partir mais rester constructif pour l'avenir, parce que il y a l'avenir, il y a les enfants des disparus, il y a les enfants des disparus et la vie continue, mais la justice et la vérité doivent se faire sans aucune yani mais on ne laisse rien partir. Ouais, tout à fait. Ouais. عطيك صحة خويا موسى. بلا مزية بارك الله فيك انت اللي راك فتحت لنا هاد ال C'est l'occasion de comprendre un peu plus les choses. L'émission, de toute façon, elle est enregistrée, donc on pourra après la distribuer, la donner aux gens s'ils veulent écouter. Il suffit d'aller sur le site Radio Chicha, la section podcast, et là, on peut retrouver les émissions, les télécharger. Sinon, juste avant de te lâcher, Khoya, une dernière petite, comment on peut vous contacter s'il y a des gens qui écoutent et soit ils veulent connaître plus le sujet, ou là ils ont des propositions, ou là comment on peut vous contacter, l'association les TACO. Propositions sont les bienvenues, y compris des propositions d'émission qui traiteront la question en détail. Je dirais pas non, je m'arrive à bien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les gens prennent conscience aussi de leur responsabilité, parce que c'est pas la cause des familles Hadi ou Hadom, c'est la cause de toute la société algérienne. Ouais. Parce que le silence des uns et des autres aujourd'hui, il fera d'autres victimes peut-être demain. Exact. Donc voilà, donc c'est une cause de toute la société. Ce qui fait que on n'a pas de problème que quelqu'un s'intéresse à la question, même s'il n'est pas concerné. Hein, c'est-à-dire, notre force aussi, c'est d'avoir parmi nos rangs des gens qui n'ont pas de parents disparus. Donc juste un sympathisant, quelqu'un qui croit à la justice qui a été qu'on a fait subir aux victimes. Donc, مرحبا بكم ما كاش مشكل اللي حاب يتصل بيا بون الايميل تاعي هو med@strasbourg comme ça s'écrit strasbourg@hotmail.com هذا هو الايميل تاعي بيرسونيل نعاود med@strasbourg attaché en minuscule @hotmail.com هذا هو الايميل تاعي دونك اللي حاب يتصل بيا مرحبا به ما كان حتى مشكل ان شاء الله سواء بور دي ديمارش مثلا بور باسكو حنا في الحق هذا لو ترافاي هذا اون لو في دو تو لي جور يعني سا نوزا جامي جيني يعني انا شاك يعني بيرسونالمون ولا لي ممبر اللي معايا في لاستاسيون شاك جور اون روسوا دي كونتاكت دو لا بار دو فامي كونسيرنون دي ديمارش ادمينستراتيف كيل سون تران دو فير دي اوبستاكل اكسيتيرا سي اون بو لور ايدي باغ اكزومبل جو تو دون ان اكزومبل يا deux jours, un fils de disparu forcé, il m'a contacté parce que il voulait intégrer les rangs de la police et il a été son dossier il fut refusé parce que voilà, il est considéré comme étant un fils de terroriste. Donc voilà, Hana il nous contacte, on a des avocats qu'on a contact avec eux, on essaie de contacter l'avocat et voir qu'est-ce qui nous serait possible, que ce soit au niveau national ou international. Voilà, donc c'est le travail هذا ça ne gênera jamais مرحبا باي واحد يعني نقدروا نعاونوا اي واحد مرحبا به ولا استفسار ولا ما كان حتى مشكل ان شاء الله Très bien, donc l'appel est lancé pour ceux qui écoutent. Atexaha, Khoya Moussa, de toute façon, oui, j'essaierai de donner cette information sur le site Radio Chicha. Je vais mettre les liens, comme ça on peut vous contacter en cas de besoin. Avec plaisir, merci beaucoup, Atexaha, pour toutes ces explications. C'est très instructif. À très bientôt. On reviendra très probablement sur ce sujet, il le faut. Avec plaisir, Inch'Allah. On est à votre entière disposition, Inch'Allah. Merci. Merci pour la contribution. Bonne soirée. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà, voilà, Khawti, Ikhwani, Khawati, Mustamei, Radio Chicha, les gens qui nous écoutent. Je sais que vous êtes nombreux à écouter très sagement. Des gens ont essayé d'appeler tout à l'heure, mais j'ai pas pu prendre pour laisser notre compatriote Moussa Bourfis, qui est intervenu sur le sujet des disparus, les disparitions forcées, puisque c'est la journée quand même de, internationale des disparitions forcées, le Bérah, et aujourd'hui, le Jazair, sera fait pour dire ce que a dit Monsieur Bourfis, et ils ont été arrêtés, ils ont été embarqués dans les commissariats de police, etc. Il y a une répression contre eux, donc c'est un peu aussi l'actualité algérienne. J'ai préféré quand même le laisser exprimer pleinement le sujet Hadat Ali disparu forcé. C'est l'occasion pour nous d'en parler, de connaître un peu le sujet Hadat, le sujet Saïb, yani, les gens qui marquaient Houa, yani, Meskin, son père et son frère, ils ont disparu. Ils ont été embarqués, ils ont disparu. Donc c'est vrai que c'est un sujet vraiment important, lourd. J'ai préféré le laisser. Je suis désolé auprès des auditeurs qui ont essayé d'appeler, nos amis, camarades, je vais pas citer leur nom, mais j'ai pas pu prendre vos appels, Khawti, je suis désolé. Ça sera la prochaine fois avec grand plaisir. J'ai profité, on a eu un monsieur de l'association des enfants des disparus, j'ai profité quand même de ça. Ça nous permet d'enregistrer quand même une émission à ce propos, même si on l'avait pas prévu comme ça. Khawti, merci beaucoup d'écouter, merci aux gens qui sont intervenus, il nous reste encore 15 minutes, c'est pas beaucoup, je vais passer juste une ou deux chansons, bah, ça sera la fin de notre émission de ce soir. On l'a consacré au problème en Syrie, problème en Égypte, et là, la deuxième partie de l'émission, c'était avec l'association des enfants des disparus algériens. Je pense que c'était intéressant à mon avis, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On écoute un peu de musique. On écoute un peu de musique, qu'est-ce qu'on peut écouter? J'avais mis Terra Kaft, toujours de la musique Touareg. À la belle comme on aime beaucoup la musique Touareg sur sur le site Radio Chicha. Tout à l'heure c'était Tina Riwan, si je dis pas de bêtises, ou la MBS. J'avais passé, je ne sais pas si j'ai passé Tina Riwan ou la, mais je vous laisse avec Terra Kaft. Merci beaucoup aux gens qui écoutent. Je reviendrai juste après cette chanson pour dire le mot de la fin, notamment rappeler comment venir sur le site, etc. Je vous retrouve après ça. راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Donc voilà, Khaouti, ça se passe comme ça sur Radio Chicha, sur le rythme des musiques Touareg. On était en train d'écouter le groupe Terra Kaft, un groupe pour lequel on a le coup de foudre sur Radio Chicha. Bien sûr, il y a d'autres groupes, on a le coup de foudre aussi pour Bambino, pour Tina Rewan et tout. Mais Terra Kaft, ces derniers temps, c'est non-stop. Hein. Donc vous pouvez venir sur Radio Chicha, écouter de la bonne musique si vous aimez la musique. Sinon, ce soir, on était en direct pendant 2 heures depuis 8 heures du soir. On a essayé de parler, on a ouvert l'antenne comme tous les samedis soirs à 20h. On ouvre l'antenne, les gens ils peuvent appeler pour donner leur avis sur l'actualité. Ça s'appelle Live avec les auditeurs. J'espère que c'était intéressant ce soir. Je suis vraiment désolé, je m'excuse auprès des personnes que j'ai pas pu prendre tout à l'heure parce que je voulais profiter de Moussa Bourfis de l'association des enfants disparus pour parler de la journée internationale des disparus. Donc je voulais le laisser continuer, comme ça on a une émission à peu près complète sur ce sujet, même si probablement on reviendra à ce sujet une autre fois parce que c'est très important. Il y a les enfants des disparus. C'est, j'allais dire, le Kimakal, comme l'a rappelé Moussa, c'est l'oubl mouchkil siyasi, l'azma siyasiya, il est là aussi. Mais c'est un des aspects de la crise politique algérienne. Moi aussi je crois à ça, je pense. Donc, c'est un problème qui est très important, surtout si on essaie de le traiter d'une manière sage et tout, donc c'est bien. Il faut encourager ça. Sinon, on avait d'autres sujets ce soir, la Syrie, l'Égypte. On a eu quelques interventions à ce propos. Je remercie tous les gens qui sont intervenus. Je remercie tous les gens qui ont écouté depuis 2 heures maintenant, qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur le site radiochicha.com, section podcast, si vous voulez écouter les émissions qu'on a déjà fait, qui met l'émission ce soir, normalement cette nuit ou la radoua, elle va être disponible en écoute et en téléchargement sur Radio Chicha. N'hésitez pas à partager ça sur vos pages Facebook si vous trouvez ça intéressant ou si vous voulez montrer ça à vos amis, vos contacts sur Facebook. Batoulom le lien sur Radio Chicha, le site radiochicha.com. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. N'oubliez pas aussi que RadioHchicha.com, RadioHchicha, vous pouvez l'écouter sur votre portable si vous êtes sous Android. Sur le site, vous allez trouver le lien pour télécharger l'application RadioHchicha. Comme ça, vous pouvez nous écouter à partir de votre téléphone portable s'il fonctionne sous Android. C'est tout ce que je voulais dire, Khaouti. J'espère que ça se passe bien chez vous. Tarlao. Merci encore une fois à ceux qui nous ont écoutés, les nombreuses personnes qui nous ont écoutés. Pas très très nombreux, mais quand même il y a eu du monde. Merci beaucoup pour l'intérêt. N'hésitez pas à nous appeler les prochaines fois si vous voulez participer. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages si vous voulez nous donner votre avis. Ou là sur le site radiohchicha.com si vous voulez passer des dédicaces ou écouter les anciennes émissions. C'est tout ce que je voulais dire. Salam alaikum, ta'ala, où je vous laisse, je rends l'antenne, je laisse la musique continuer non-stop. Bonne soirée tout le monde, à très bientôt, Inch'Allah. Stamiaoun, il a Radio Hchicha, awel ida'a jazairia ala l'internet. عن جد تنساني